Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions diffusées en septembre 2016 autour d'une question : que fait la police ? Aujourd'hui, deuxième temps, la haine de la police, en compagnie du philosophe Jean-Christophe Angot. La cité des Muguets a vécu cette nuit au rythme des émeutes. Jusqu'au milieu de la nuit, une centaine de jeunes a littéralement assiégé le commissariat de police qui se trouve au milieu de la cité. Les batailles rangées ont fait 14 blessés du côté des forces de l'ordre. 33 émeutiers ont été arrêtés. Les casseurs ont fini par saccager une partie du centre commercial ainsi que quelques bâtiments avant de se disperser à 4 heures ce matin. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a deux jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges, où son état est jugé grave par les médecins. Jean-Christophe Angot, l'expression de la haine de la police, qui est quasiment une expression consacrée désormais, est à prendre au sérieux. C'est-à-dire que dans la haine, comme le titre du film qui a ouvert cette émission l'indique, c'est vraiment de haine qu'il s'agit, pas de critique ou de méfiance ni de défiance. Ah oui, assurément, il faut distinguer ce qui serait simplement effectivement un rapport de défiance, de méfiance envers la police, voire éventuellement d'hostilité, de la haine. Alors, parce que la haine, elle est une passion. Hein, c'est une passion qui est de l'ordre du fait, hein, qui est de l'ordre du ressenti, et dont il faut évidemment toujours se demander qui la ressent, hein, s'il y a une haine de la police, qui l'éprouve, hein, et puis il faut se demander quel en est l'objet. Hein, est-ce la police en tant que telle, est-ce certaines composantes de l'institution policière? Bon, on l'a bien entendu avec l'extrait du film de Mathieu Kassovitz, hein, qui décrit bien d'ailleurs un certain état, qui représente un peu une photographie au début des années 90 des rapports entre les jeunes des quartiers dissensibles, donc des zones de relégation, et avec la police. Disons dans ces quartiers-là, typiquement, hein, le rapport de haine, de détestation, qui d'ailleurs peut être un rapport de détestation réciproque. La haine de la police peut aussi être entendue comme la haine éprouvée par une composante de l'institution policière. Elle est assez bien déterminée, avec d'un côté, voilà, disons, des jeunes qui sont la cible quotidienne éventuellement de vexations, de formes de harcèlement de la part de la police, et de l'autre, souvent la cible aujourd'hui, hein, très clairement, de la détestation de la police, c'est typiquement dans ces quartiers-là, par exemple les brigades anticriminalité. Ouais. Toute la question étant de savoir dans quelle mesure cette haine, puisqu'il s'agit d'un sentiment, d'une passion, vous l'avez dit, peut être considérée comme légitime. C'est-à-dire qu'on a tendance à définir la police comme étant celle qui va exercer, pour reprendre l'expression de Max Weber, l'exercice du monopole de la violence légitime, qui revient de la violence physique légitime, dit Max Weber, qui revient à l'État. Si on renverse la situation, qu'on considère non plus la violence exercée par la police, mais celle exercée à son encontre, dans quelle mesure cette haine-là, aussi violente peut-elle être, est-elle légitime ? Alors, la première question est peut-être d'ailleurs de se demander dans quelle mesure précisément, donc ça n'est pas cet exercice ou cette revendication avec succès, comme dit d'ailleurs Max Weber, hein, du monopole de la violence physique légitime, n'est pas précisément l'une des composantes structurelles de la haine de la police, en particulier parce que cette violence, de l'État qui s'exerce au travers de la police, en particulier dans nos sociétés, c'est un enjeu primordial qu'elle ne soit pas énoncée comme violence. C'est-à-dire que vous entendrez jamais, par exemple, un représentant de l'État admettre qu'il y a de la violence policière. C'est un des enjeux parfois des luttes autour des violences policières, c'est de faire admettre que c'est de la violence. Parce que qui dit violence dans nos sociétés dit violence illégitime. Mmh. Et donc c'est une violence légitime qui, pour être légitime, ne doit pas s'énoncer comme violence. Sauf en cas de légitime défense, justement. Bien sûr, oui, bien sûr. Et on retrouve le terme de légitime. Oui, bien sûr. Ouais. Et qui, dans ce cas, d'ailleurs, est... voilà, et pas là non plus assumée parfois comme violence, et qui d'ailleurs est étendue d'une manière assez spectaculaire, hein, puisque une balle dans le dos peut être considérée comme légitime défense dans certaines récentes affaires policières. Alors, inversement, évidemment, la question est de savoir cette haine de la police, comme vous le disiez, quelle est sa légitimité. On peut d'abord envisager ça comme simplement être un fait passionnel. Et il est assurément, pour que quelque chose de productif sorte d'une passion qui est traditionnellement dénoncée comme une mauvaise passion, il faut que cette haine soit dépassée. Alors, les gens qui ont observé, par exemple, les mouvements dans les quartiers populaires de résistance, hein, à ce qui est ressenti comme des formes d'occupation policière, à des vexations quotidiennes, décrivent bien, en général, le fait que le moment de la haine doit nécessairement être dépassé pour précisément donner lieu à la construction de quelque chose de plus politique, de sorte que, alors, il est fort probable que tout mouvement de résistance, hein, à ce qui est ressenti comme une oppression, s'ancre dans une passion, hein, et dans, alors que ce soit l'amour ou la haine d'ailleurs, hein, bon, mais vous dites, voilà, il faut essayer de dépasser la haine pour essayer de proposer quelque chose qui serait davantage politique. Certains ont fondé leur engagement politique sur ces passions que sont la haine et l'amour. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un texte, un extrait de La morale anarchiste de 1889 de Pierre Kropotkine, interprété ici par Jean-Luc Jacopin. Nous ne renonçons pas à notre capacité d'aimer ce qui nous semble bon et de haïr ce qui nous semble mauvais. Aimer et haïr, car il n'y a que ceux qui savent haïr qui sachent aimer. Nous nous réservons cela. Et puisque cela seul suffit à chaque société animale pour maintenir et développer les sentiments moraux, cela suffira d'autant plus à l'espèce humaine. Aujourd'hui, quand nous voyons un Jacques l'éventreur égorger à la file 10 femmes des plus pauvres, des plus misérables, et moralement supérieures aux 3/4 des riches bourgeoises, notre premier sentiment est celui de haine. Si nous le rencontrions le jour où il a égorgé cette femme qui voulait se faire payer par lui les 6 sous de son taudis, nous lui aurions logé une balle dans le crâne, sans réfléchir que la balle eût été mieux à sa place dans le crâne du propriétaire du taudis. Mais quand nous nous ressouvenons de toutes les infamies qui l'ont amené, lui, à ses meurtres, quand nous pensons à ces ténèbres dans lesquelles il rôde, hanté par des images puisées dans les livres immondes, ou par des pensées soufflées par des livres stupides, notre sentiment se dédouble. Et le jour où nous saurons Jacques entre les mains d'un juge qui, lui, a froidement massacré 10 fois plus de vies humaines, d'hommes, de femmes et d'enfants que tous les Jacques, quand nous le saurons entre les mains de ces maniaques à froid, ou de ces gens qui envoient un Boras au bagne pour démontrer aux bourgeois qu'ils montent la garde autour d'eux, alors toute notre haine contre Jacques l'éventreur disparaîtra. Elle se portera ailleurs. Elle se transforme en haine contre la société lâche et hypocrite, contre ses représentants reconnus. Toutes les infamies d'un éventreur disparaissent devant cette série séculaire d'infamies commises au nom de la loi. C'est elle que nous haïssons. Tout le monde déteste la police, c'est le slogan qui a été brandi lors des dernières manifestations à Paris en mai dernier, qui a conduit à de nombreux affrontements d'ailleurs entre les manifestants et la police. On y reviendra, Jean-Christophe Angot. Dans le texte qu'on vient d'entendre, donc de Pierre Kropotkine, il y a plusieurs choses. L'idée que il ne faut renoncer ni à la haine ni à l'amour, que ces deux passions ne sont pas, disons, indissociables de toute forme d'engagement politique, au contraire. Et surtout, il montre le cheminement qui conduit à haïr un personnage, en l'occurrence Jacques l'éventreur, puis à la société qui a conduit à l'avènement de ce personnage, et enfin à la loi. C'est elle que nous haïssons, dit-il. Et pourtant, c'est dans leur intérêt que la loi se maintienne, car que serait la révolte, la révolution et la haine sans le maintien d'une loi? Elle est indispensable à leur engagement politique. Ah, si on considère que cet engagement a pour vocation à se reproduire et à s'entretenir lui-même, bon, mais c'est un engagement qui est éminemment négatif, hein, si l'on veut, qui a pour cible la destruction de structures d'oppression dans le cas de l'engagement de quelqu'un comme Pierre Kropotkine, hein, pour faire advenir autre chose. Alors avec l'idée que quelque chose peut-être se prépare derrière, et quelque chose qui est même éventuellement aussi une alternative aussi à ce mode de régulation sociale qui passe par la violence policière. Alors ce qui est intéressant aussi avec l'extrait de manifestation, hein, que vous avez diffusé, ce slogan, hein, j'ai un peu regardé d'où il vient, ce slogan « Tout le monde déteste la police ». Alors il apparaît dans les manifestations un an et demi en fait avant la loi travail, dans les manifestations qui suivent la mort de Rémi Fraisse, hein, lors des manifestations autour du projet de barrage de Sivens. Et d'ailleurs, dans certains textes, la phrase complète était à peu près tout le monde déteste la police, y compris les policiers eux-mêmes. Alors ce qui est quelque chose d'intéressant, parce qu'il me semble que ça permet de faire la distinction entre la haine de la police et la haine des policiers. Hein, ce qui est bon, une distinction qui est délicate à maintenir notamment lorsque la haine se déploie en violence. La violence sur les institutions finit toujours quand même par une violence éventuellement sur des personnes. Mais le fait de détester l'institution policière doit être assez étroitement distingué du fait de détester, enfin de ce que un syndicat de police par exemple appelle la haine anti-flic, hein, qui est donc déjà peut-être dans l'identification de l'institution, il y a peut-être déjà un dépassement de cette haine première qui est typiquement la haine qu'on éprouve pour Jack l'Éventreur, et qui déjà se déplace vers l'institution et pas simplement vers ceux qui en sont les incarnations ou les représentants. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de Kropotkine, et d'ailleurs il me semble, vous me direz si je me trompe, mais dans le corpus des textes anarchistes, on trouve très peu de références à la police directement. Ouais. Alors cette haine de la police à laquelle on associe spontanément le mouvement anarchiste, finalement, c'est peut-être pas ça qui est le plus représentatif de leur pensée. Alors oui, moi je me suis moi-même posé la question en préparant cette émission, effectivement, où est-ce qu'on pouvait trouver des textes spécifiquement sur la police, et en fait il y en a assez peu. Alors ça peut s'expliquer par des raisons à la fois de ce que c'est que le mouvement anarchiste, hein, qui est un mouvement révolutionnaire avec une composante de réflexion et qui précisément prétend dépasser la haine, prétend identifier les véritables sources de l'oppression qui ne sont pas forcément le policier que l'on a en face de soi. Donc il y a ça. Effectivement, il y a très peu de textes. Éventuellement, vous avez des textes qui vont prôner la disparition de la bureaucratie, les armées permanentes, la police, la justice, la banque, etc. Mmh. Mais jamais des textes très spécifiquement très peu de textes spécifiquement sur la police. Et le texte haineux, d'ailleurs, assez peu. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est l'association habituelle entre haine de la police et anarchisme. Oui. Alors, il y a un signe très très paradoxal de ça, c'est que il y a un texte, hein, très violent de Louis Aragon, hein, le poème Front Rouge de 1931, dans lequel, eh bien, vous trouvez ces vers, hein, faites valser les kiosques, les bancs, les fontaines Wallace, hein, descendez les flics, camarades, descendez les flics. Et c'est un poème alors qui est à la gloire de l'URSS, donc qui n'exprime absolument pas une idéologie anarchiste. Et pourtant, Aragon a été poursuivi pour ce poème pour provocation au meurtre dans un but de propagande anarchiste. Donc il y a une association entre l'idée de la haine anti-flic et l'anarchisme. Alors, donc il faudrait se demander d'où elle vient. Alors là, en l'occurrence, il y a une raison de circonstance qui est que c'était un moyen pour donner une circonstance aggravante à ce délit de publication. Hein. Donc on était sous le régime des lois scélérates, ce qu'on appelait les lois scélérates de 1894, qui n'ont d'ailleurs été abrogées qu'en 1992. Hein. Et donc il y avait la provocation au meurtre, et donc la propagande anarchiste était une circonstance aggravante. Alors il est possible aussi, hein, que cette association entre l'anarchisme et la haine de la police soit liée au fait que très tôt les anarchistes, précisément avec ce type de loi, ont été en butte aux persécutions policières. Et donc se sont confrontés très tôt aux persécutions policières. Et puis plus récemment, le fait aussi qu'on associe en général les confrontations plus ou moins violentes, mais directes avec les forces de l'ordre en manifestation, aux composantes anarchistes, anarchisantes présumées d'ailleurs, hein, de ces manifestations. Thank you. L'affirmation selon laquelle les fins de la police sont constamment identiques à celles du droit, ou au moins qu'elles leur seraient liées, est totalement fausse. Le droit de la police désigne bien davantage, au fond, le point où l'État, soit par impuissance, soit à cause de la logique immanente à tout ordre juridique, ne peut plus garantir avec les moyens de cet ordre les fins empiriques qu'il veut atteindre à tout prix. Ainsi, pour garantir la sécurité, la police intervient dans d'innombrables cas où il n'existe aucune situation juridique claire, quand elle n'accompagne pas le citoyen comme une contrainte brutale, sans aucune relation avec des fins légales à travers une vie réglée par des ordonnances, ou simplement le surveille. Contrairement au droit, qui dans la décision fixée selon le lieu et le temps, voit une catégorie métaphysique par laquelle il revendique le droit à la critique, l'examen de l'institution policière ne rencontre rien d'essentiel. Sa violence est informe, comme son apparition nulle part saisissable, omniprésente et fantomatique dans la vie des États civilisés. Et la police peut bien être partout égale à elle-même, y compris dans des cas individuels. On ne peut finalement pas méconnaître que son esprit est moins dévastateur quand elle représente, dans une monarchie absolue, la violence du souverain où s'unissent les pleins pouvoirs législatifs et exécutifs, que dans des démocraties où sa présence, qui n'est rehaussée par aucune relation de ce genre, atteste de la plus grande dégénérescence concevable de la violence. Venez voir ! Elle-mère ! Elle-mère ! Mais sa mère, oh mère, fils de pute ! Non, attends, je suis désolé ! Oh là, oh là ! Oscar ! Arrêtez la musique ! Allez, Oscar ! Non, si c'est le chef ici, c'est toi, non ? Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là ? Vous parliez à Euro Disney ? Très bien que vous ne pouvez pas monter sur les toits. Alors, il faut descendre. Ça va, là, on fait rien de mal. Il ne s'agit pas de faire rien ou de pas faire. C'est... De toute façon, il faut descendre, c'est tout. Ah, mais ça va d'où ? Des coups, ici, d'où ? Eh, je peux descendre. Hein. Et là, mais c'est quoi ? Oh, hey, Notre-Dame, là, c'est quoi, là ? C'est la seule phrase qu'on t'a appris à l'étable ou quoi ? Arrêtez! Notre dame, notre dame! En toute façon, c'est pas la peine de discuter! Putain, le moins! Vous pouvez pas rester ici! Alors maintenant, vous prenez vos petites affaires, vos petits fauteuils et vos petites merguez, et vous essayez, on descend tous dans la joie et la bonne humeur. D'accord, regardez! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Tu vas t'y prendre comment pour nous faire descendre? Tu vas utiliser tes chiens ou tu vas le faire tout seul aller dans ton petit costard? Tu vas faire notre boulot, d'accord? C'est bon! Ta gueule! Toi déjà, tu me parles pas comme ça, ok? Je te connais pas. Et vous vous tirez, maman. C'est on bon. On dirait un coq. Boum! Ta mère a boit de la croûte. Allez, c'est bon. Alors le film La Haine de Mathieu Kassovitz est vraiment indépassable en la matière, hein, Jean-Christophe Angot. Il y aurait peut-être The Wire, l'équivalent américain de ce film 20 ans plus tard. En tout cas, il illustre à merveille ce que Walter Benjamin, dans le texte qu'on a entendu juste avant, appelle l'antagonisme des classes, pour montrer que la volonté de critiquer la violence doit prendre en compte les fins au nom desquelles cette violence est exercée, et qu'une fois qu'on met en œuvre cette méthode-là, eh bien, on se rend compte que finalement, ce qui constitue, ce qui définit le mieux ce qu'on appelle la violence de la police, c'est qu'elle est à la fois légitime et arbitraire. Et c'est bien ça qui est compliqué. Ouais. Alors ce texte de Benjamin est très intéressant, notamment parce que alors il distingue, hein, deux formes de violence, une violence qui est dite conservatrice du droit et une violence qui est instauratrice du droit. Et il explique, alors il cherche à rendre compte aussi de ce qu'a d'ignominieux, hein, la violence policière. Il dit voilà, ça tient précisément au fait qu'elle se situe à l'intersection de ces deux formes de violence. C'est-à-dire une violence qui est de l'ordre, on pourrait dire, alors si on dit les choses en termes foucaldiens, une violence qui serait de l'ordre du maintien de l'ordre et une violence qui serait de l'ordre de l'instauration d'un ordre. Et précisément, dans la pratique policière, en tant qu'elle a précisément affaire à l'exception, et donc qu'elle est toujours tenté de dériver vers l'état d'exception, eh bien, on a tout uniment à la fois le maintien de l'ordre et en même temps la création d'un ordre par la pratique, hein, alors qu'il va ensuite éventuellement se retrouver dans des discours. Mais la police, alors c'est ce qui intéresse Benjamin dans le texte critique de la violence, elle est en quelque sorte le point de fuite par lequel la démocratie risque de toujours dériver vers l'ordre démocratique, risque toujours de dériver vers l'état d'exception. Et la police, elle est évidemment l'institution qui a à voir avec l'exception, avec l'infraction, avec des situations qui ne sont pas prévues par le droit, hein, comme dit Benjamin, et où en quelque sorte, elle instaure ce qui est le droit dans ces conditions-là, avec la composante d'arbitraire qui va avec, alors qui n'est pas d'ailleurs forcément toujours détachée du droit ou en tout cas de la justice, hein, si on pense notamment à la très grande impunité dont bénéficient les policiers, en particulier lorsqu'il s'agit de violence aux personnes, plus que d'ailleurs d'atteinte aux biens. Donc, alors c'est un texte qui d'ailleurs a suscité beaucoup d'incompréhension, ce passage de la critique de la violence, notamment, alors je crois pas que ça a été traduit en français, mais dans la version allemande de Pathologie de la raison d'Axel Honneth. Axel Honneth ne comprend pas ce texte, dit je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il en veut, c'est quoi cette violence contre la police, hein, il sent une haine de la police dans ce texte, alors que bon, il faudra envisager des formes de contrôle démocratique de la police. Et en fait, il manque un peu l'objet de la critique de Benjamin, qui n'est pas de se situer du côté des institutions, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la police soit mieux, mais essayer de saisir l'effectivité de l'activité policière en tant qu'elle est donc tout à la fois maintien de l'ordre et construction d'un ordre. Et ça, c'est un texte Engels qui le montre bien. Donc là, c'est dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État de 1884. Le texte de Benjamin était de 1921. Texte dans lequel Engels montre que la constitution même de la police est corrélative de l'apparition d'un antagonisme de classe au sein de la société, et que finalement la justification, la légitimité de la police se base sur cette scission de la société en différentes classes. Donc là, on voit ici qu'à la fois le maintien d'un ordre au sens large du terme, de conserver un état de fait, et en même temps la volonté de pacifier ce qui est en soi conflictuel. Ouais. Alors à ça, il faudrait sans doute ajouter, en particulier si on veut un peu actualiser ce type de texte, hein, la dimension du territoire. Hein, la particularité étant aujourd'hui que les nouvelles classes dangereuses ne sont pas forcément les classes laborieuses, hein, ce sont des classes qui sont plutôt tenues à l'écart du marché du travail. Et puis évidemment la dimension raciale, hein, ou raciste, hein, puisque la violence policière s'exerce essentiellement au quotidien sur des personnes qu'on peut dire éventuellement racisées, comme on dit. Alors, il y a un autre texte qui est extrêmement intéressant, moi, que je mets immédiatement en rapport avec ce qu'écrit Benjamin, qui est un texte d'Albert Libertad, qui est publié dans le journal L'Anarchie, hein, du 30 mai 1907, où on trouve bien la distinction entre la violence purement arbitraire et la violence couverte du masque de la légalité, hein, donc je vais vous le lire, hein. On arrête ceux qui troublent le gouvernement par leurs écrits ou leurs paroles, on expulse sur l'ordre d'une police quelconque ceux qui viennent demander asile, on torture des hommes au visage ravagé par le feu pour en obtenir des aveux. On peut trouver alors des voix qui s'élèvent, des gens qui s'indignent contre cet arbitraire. Mais tous les jours, des hommes, des femmes, des enfants sont saisis, brutalisés, enfermés, arrachés à leur vie coutumière pour un mot, un regard, par suite d'un caprice de l'agent qui passe. On a l'impression de lire quelque chose sur le délit d'outrage et de rébellion. Et personne ne dit mot. Car ceci, c'est de la légalité. La tyrannie la plus redoutable n'est pas celle qui prend figure d'arbitraire, c'est celle qui nous vient couverte du masque de la légalité. Ce n'est pas celle qui sévit contre la révolte, c'est celle qui fait que la révolte ne sait même plus être. Et c'est un texte donc de publié dans le journal L'Anarchie le 30 mai 1907. Voilà, qui fait écho au texte de Kropotkine qu'on a entendu avant, c'est que finalement la haine de la police, c'est la haine de la loi. Alors, c'est la haine de la violence recouverte, hein, dit-il, du masque de la légalité, hein, voilà, qui se prétend légitime. Mais y a-t-il une différence d'un point de vue anarchiste, justement, entre la loi et le masque de la légalité ? Non, bien sûr. Ouais. C'est pareil, ouais. C'est que le fondement est toujours, d'ailleurs on parlera de Pascal jeudi prochain. Ce qui est important, c'est les effets de légitimité qui sont véhiculés par la loi. C'est-à-dire que lorsque... là, ça dépasse très clairement la légalité, hein, d'une certaine manière. Voilà, il dit voilà, on trouve des voix qui s'élèvent. En revanche, précisément, lorsque c'est recouvert du masque de la légalité, eh bien, ça fait taire toute révolte. Un banal contrôle routier qui tourne au drame. Ce policier pointant son arme vient de tirer sur le conducteur noir, Philando Castile. Sa petite amie filme avec son téléphone et diffuse en direct sur les réseaux sociaux. Elle explique qu'ils viennent d'être arrêtés pour un feu arrière cassé. He let the officer know he had a firearm and he was reaching for his wallet. and the officer just shot him in his arm. Le conducteur agonise devant sa petite fille à l'arrière. Le policier continue à le mettre en joue, visiblement paniqué. Des policiers arrivent alors en renfort et sortent la jeune femme de la voiture. Elle réalise que son compagnon est en train de mourir. Philando Castile, 32 ans, décédera à l'hôpital. En quelques heures, cette vidéo choquante est vue des millions de fois sur Internet. Des rassemblements en hommage au jeune père de famille se multiplient. Émotion et colère de ses proches, après ce qui ressemble à une bavure policière envers un noir américain. Silence brisé par les sirènes de la police. Le globe c'est un mistade, leur paradis est fiscal. C'est leur modèle de profit sauvage qui terrorise. Mais que fait la police? Les gens sont hors de leur plan, si peu nombreux dans leur camp. Leur système érodé pour que les âmes se détruisent. Mais que fait la police? Que fait la police? Des voyous braquent des banques, font péter les coffres et fichent tout dans leurs planques. Ça arrive près de chez vous, le quartier interdit aux flics où vivent tous ces bandits, c'est la bourse. Ils vont pas en prison, en tout cas pas les gros. Un salopard ici chez ce mec qui a les crocs. Code pénal, pas celui de la multitude. Quand ils passent à la barre, hop, la justice mûre. Que fait la police? Elle devrait chuter leur fric au lieu de buter les noirs, miner la police. Allô 17, j'ai pas qui tire les ficelles. J'ai vu des terroristes poser des bombes à misère. Puis des labos se placer dans le line-up à côté de ceux qui nous font grailler du round-up. Qui se plaignent, y'a trop de lascar. Et qui déposent des brevets sur les plantes à Madagascar. C'est pas du vol, c'est de la science. C'est le plus fort qui l'emporte. Et ouais, voici la France. La maison où le suppôt pénètre sans effort. Quand on l'endort avec un concombre, un porc et un canard mort. Ni bonbon, ça file droit vers la pandémie. C'est pas la marée chaussée qui stoppera l'épidémie. Car tous veulent un régime de ministres. Trois jobs légaux interdits à ce qu'on administre. Le globe c'est un mistade, leur paradis est fiscal. C'est leur modèle de profit sauvage qui terrorise. Mais que fait la police? Que fait la police? C'est le titre de notre série d'émissions cette semaine, avec aujourd'hui la haine de la police. Sur quoi se fonde-t-elle? Est-elle inévitable? C'est en compagnie du philosophe Jean-Christophe Angot que nous nous posons cette question. Jean-Christophe Angot qui est maître de conférences de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon, membre du laboratoire Triangle et membre du comité de rédaction de la revue Réfraction. Regardez, nous manipuler, magouille au labo, déguiser les cobayes, on avale des cachets comme les trajets au mariage. Paris sur les gens, spécule sur nos santé. Dieu fasse qu'il n'y ait plus de malades, c'est sûr qu'ils vont déchanter, désenchanter. On vit sur leur terrain de jeu, les règles sont simples. On place l'humain après l'enjeu et ça te parle de peuple. Mais seul le pouvoir les anime, ils peuvent fermer une usine sans se soucier des victimes. Que fait la police? Elle tourne des documentaires et calme un grand coup de lacrymo le moindre contestataire. Pendant que la plupart d'entre nous postulent pour des jours meilleurs. Regarde-moi tout ce monde qui attend pour un CDI au resto du cœur. Ne reste que les pleurs. L'huissier sonne à l'heure, où aux infos tous annoncent une hausse des valeurs. Pressant le citron comme la team jadis étrangler la masse. Combien des nôtres iront décorer leur tableau de chasse? J'ai pas vu de barque à Saint-Tropez. Apparemment les temps sont durs, ça dépend surtout du côté où tu nais. Bureau au sommet des buildings, attaché caisse et compte suisse. Y'a qu'une seule justice. La première manifestation, dès le 9 mars, la police elle a été quand même relativement violente. Le 17 mars, il s'en est suivi une manifestation vraiment assez particulière, parce que directement il y avait, je sais pas, 4500 miliciens, dont 500 qui ont commencé à courir sur les policiers, à prendre des pelles, à aller attaquer des camtars de flics avec des pelles. Donc ça c'est quand même un truc ouf que dès la manifestation il se passe ça. Et donc ça a contribué à créer une ambiance, mais c'est aussi contribué à faire en sorte que la police en fait elle a répliqué et a montré en fait on va dire son vrai visage, c'est-à-dire la violence entre guillemets légitime de l'État face à des jeunes, face à des manifestants. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Ces bandes qui fuient le travail, prennent le nom de leur quartier et affrontent la police sont le cauchemar du bon citoyen individualisé à la française. Ils incarnent tout ce à quoi il a renoncé, toute la joie possible et à laquelle il n'accédera jamais. Il y a de l'impertinence à exister dans un pays où un enfant que l'on prend à chanter à son gré se fait inévitablement rabrouer d'un « arrête, tu vas faire pleuvoir ». où la castration scolaire débite et flux tendu des générations d'employés policés. L'aura persistante de Mesrine tient moins à sa droiture et à son audace qu'au fait d'avoir entrepris de se venger de ce dont nous devrions tous nous venger. Ou plutôt, dont nous devrions nous venger directement, là où nous continuons à biaiser et à différer. Car il ne fait pas de doute que par mille bassesses inaperçues, par toutes sortes de médisances, par une petite méchanceté glacée et une politesse venimeuse, le français ne cesse de se venger, en permanence et contre tout, de l'écrasement à quoi il s'est résigné. Il était temps que le « nique la police » prenne la place du « oui monsieur l'agent ». En ce sens, l'hostilité sans nuance de certaines bandes ne fait qu'exprimer d'une manière un peu moins feutrée que d'autres la mauvaise ambiance, le mauvais esprit de fond, l'envie de destruction salvatrice où ce pays se consume. Jean-Christophe Angoquier, le comité invisible, l'auteur de ce texte, L'insurrection qui vient, que je viens de lire. Moi, je sais pas, faut leur demander. Alors, malheureusement, ils n'étaient pas disponibles pour cette émission. Alors, est-ce que vous en savez plus? Même s'ils misent tout sur l'anonymat. Non, mais alors, c'est un texte qui est intéressant, qui a été écrit peu de temps après les émeutes de 2005. Suite aux événements de Villiers-le-Bel, hein, la mort des deux jeunes dans un transformateur EDF, hein, qui s'est traduit par des semaines d'émeutes dans les quartiers déshérités du nord de Paris, notamment, qui pose une question intéressante, qui est de quoi est porteuse cette hostilité envers la police, en quoi éventuellement elle peut se muer en une contestation plus générale de l'état de la société. Alors, il me semble, indépendamment de ce qu'on peut penser de la pertinence de faire de l'affrontement avec la police une question centrale ou une priorité, il me semble que c'est quelque chose qui est assez symptomatique, de la transformation des missions de la police et de la perception de la police par toute une partie de la population, qui est de plus en plus, cette police, elle est, alors notamment dans les quartiers en question, perçue comme une force hostile, une force éventuellement parfois même d'occupation. Et le fait que les rapports de classe, hein, comme le disait Engels dans le texte que vous avez cité tout à l'heure, soient de plus en plus, en tout cas pour ces populations-là, pris en charge par la police, ça fait d'elle nécessairement une cible de haine, d'hostilité, éventuellement de haine muée en autre chose en forme de revendication sans doute plus positive, hein, des revendications de dignité, hein, également, mais c'est assez symptomatique de ce qui se passe et de ce que fait ou de ce qu'on fait faire ou de ce qu'on laisse faire la police aujourd'hui, hein. Je parlais tout à l'heure, hein, des brigades anticriminalité, enfin appelées ainsi mais qui répriment essentiellement les formes d'indiscipline quotidienne ou de petite et moyenne délinquance, précisément c'est la cible de la détestation dans les quartiers populaires, hein. Lorsqu'on parle haine de la police dans ces quartiers-là, on pense immédiatement au rapport à la brigade anticriminalité. Alors cette violence, on l'a redécouverte nous dans les villes, nous autres habitants des villes et des centres-villes à l'occasion des manifestations du printemps dernier, mais elle s'exprimait sans doute aussi ailleurs. Depuis des décennies, de fait. Alors, mais quel est du coup le point commun entre la manifestation de haine qui est, disons, des habitants des banlieues envers la brigade anticriminelle, l'extrait qu'on a entendu du manifestant qui racontait les affrontements avec la police en mai dernier, qui montre que finalement, bah, on ne sait plus qui a commencé, eux disent répliquer à la violence de la police quand la police dit que c'est l'inverse, et l'autre extrait qu'on a entendu, l'exemple du crime racial aux États-Unis que vous évoquiez, où cette fois-ci le policier, on peut parler d'une bavure policière, mais le policier dit lui-même qu'il était en cas de légitime défense, donc il était légitime que lui-même tire sur la personne qu'il avait en face de lui. Est-ce qu'il y a un point commun ou est-ce qu'à chaque fois il faut contextualiser et prendre en compte la singularité de chaque situation? Alors il y a évidemment des points communs. Alors déjà l'expression de bavure, moi j'ai toujours des problèmes avec cette expression là parce que elle me semble qu'elle tend à euphémiser ce que peut avoir d'ordinaire la violence. Et puis ça a bavé, c'est comme un trait d'écriture qui aurait été mal fait. Cela étant, alors il y a des points communs qui sont très déjà sur le terrain, hein, qui sont éventuellement, ce sont les mêmes acteurs qui interviennent, puisque désormais on trouve par exemple les brigades anticriminalité qui interviennent dans les manifestations. Il y a des points communs dans les dispositifs de maintien de l'ordre. Hein, les gens qui se sont un petit peu intéressés à ce qui se passe dans les banlieues déshéritées, ont parfois retrouvé les mêmes types de dispositifs qui avaient été expérimentés dans ces quartiers-là, mis en œuvre ensuite dans les manifestations. En revanche, ce qui évidemment est la grosse différence, c'est que ce ne sont pas le plus souvent les mêmes personnes qui sont la cible. Puisque les manifestants qui sont en butte aux violences policières en manifestation, bien souvent ne viennent pas, le plus souvent, hein, ça peut arriver, mais bien le plus souvent ne viennent pas des quartiers déshérités. Donc il y a voilà les points communs et les points de donc on ne peut pas tout indexer une explication sociologique. Alors, en tout cas, pas une explication qui serait brutalement en termes de classe. C'est quelque chose qu'il faut assurément nuancer, ou en tout cas raffiner. C'est un schéma qu'il faut davantage raffiner. La question, évidemment, de l'ordre et du support de classe de cet ordre politique et social, on peut ne pas y renoncer sans pour autant dire immédiatement que ce sont d'autant que dans les manifestations, si on regarde l'origine sociologique des policiers, hein, beaucoup qui viennent de milieux populaires et qui éventuellement tapent sur des gens qui ne viennent pas de milieux populaires. Mais si on revient au texte du Comité Invisible, dont je lis un extrait, c'est peut-être ça que ce texte pointe volontairement ou non, c'est que c'est quand même Comité Invisible, donc il y a la revendication d'un anonymat qui a sans doute pour vocation essayer de lisser toute forme de particularité sociologique qui viendrait dire « Ah mais c'est normal qu'ils soient contre la police parce qu'ils viennent d'un milieu défavorisé ». C'est qu'il y a cette volonté de se faire entendre indépendamment de la place occupée dans la société, mais qui du coup pose la question de savoir que reste-t-il un engagement politique qui justement anonyme. C'est comme s'il y a une forme de désolidarisation entre la personne et les idées, ou au contraire c'est pour se faire davantage entendre. Comment on comprend ce geste-là? Alors, probablement il y a la volonté de ne pas incarner dans une figure et de ne pas donner dans le piège de la personnification, éventuellement avec tous les pièges du charisme, etc., qui peuvent aller avec. Il y a sans doute aussi alors quelque chose qui est lié à la réalité policière aussi, la volonté de rester anonyme, c'est une volonté de ne pas être identifié. Hein, aussi. Or, précisément, une des tâches de la police, et là on ne parle pas forcément de ceux qui vont au contact des populations, au contact éventuellement violent des populations, c'est aussi d'identifier des personnes. Donc le fait de se soustraire à l'identification, c'est aussi une manière, à mon avis, de signifier que dans un ordre qui est de plus en plus marqué par des rapports policiers, eh bien on cherche, c'est une revendication d'indiscipline par rapport à cette assignation à l'identification. Après tout, nous sommes constamment sommés de nous identifier, hein, voire nous nous identifions sans le savoir lorsque nous circulons sur les prétendus réseaux sociaux. Après, précisément, c'est une manière sans doute de se soustraire à ce processus d'identification. Enfin, faudrait leur demander, hein, moi je ne veux pas parler en leur nom. Non, mais c'est intéressant d'analyser ce phénomène-là, parce qu'on entend même dans le texte, il y a presque une esthétique, hein, quand même, de la description même de la société dans laquelle nous vivons, de la façon dont les foules peuvent affronter les policiers. C'est vraiment toute la rhétorique de ceux qui regardent, qui ne veulent plus être regardés. Alors après, il faut aussi souligner qu'il y a, moi j'ai ressenti une évolution dans les textes de ce groupe-là entre l'insurrection qui vient et un texte plus récent qui s'appelle à nos amis, où il y a aussi une sensibilité plus grande aux formes de résistance populaire plus large sans doute aussi, hein, qui se développe, que ce soit contre des projets alors qui peuvent passer toujours aussi par des affrontements avec la police, hein, qu'on songe par exemple à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, etc. Mais qui ont des aspects beaucoup plus multiformes. Hein. Le fait, par exemple, que ce ne soit plus seulement éventuellement le jeune de banlieue avec sa capuche qui se retrouve confronté à la police, mais dans une lutte comme celle contre le TGV Lyon-Turin dans le Val d'Aoste, ça peut être des mamies catholiques avec effectivement aussi des black blocs, mais tout ce monde-là manifestant ensemble, ayant une diversité de tactiques dans la confrontation avec la police, il y a une sensibilité plus grande à ce type d'alliance qui peut se nouer avec d'autres groupes sociaux que simplement les révoltés immédiats suscités par l'ordre policier dans les banlieues. Il nous manque un élément important dans cette discussion, Jean-Christophe Angot. Nous parlons de la haine de la police, mais s'en prendre à l'institution, c'est aussi s'en prendre forcément à une personne, aux policiers. Écoutez le portrait du policier, ici l'agent de police de la rue Jérusalem, qu'on trouve dans Les Français peints par eux-mêmes, c'était en 1840. Dans son intérieur, la vie de l'agent de police est pénible. Sa position au milieu de la société, aussi humiliante et aussi méprisée que le crime même. Rentré dans une étroite cellule, nommée à bon droit tabatière, l'agent séparé du monde par une barrière insurmontable, repoussé de tous avec dégoût comme un espion, isolé par sa position tout exceptionnelle, se trouve seul, sans famille souvent, sans amis, sans lien social, sans estime pour lui-même, et est toujours écrasé par le souvenir de la place qu'il occupe vis-à-vis du public. La honte et l'infamie l'enserrent de toutes parts, la société le chasse de son sein, l'isole comme un paria, lui crache son mépris avec sa paix, sans remords, sans regret, sans pitié. C'est un agent de police, c'est un mouchard. Tout est dit avec ce seul mot, et la carte de police qu'il porte dans sa poche est encore un brevet d'ignominie. Chacun se croit en droit de lui jeter de la boue au visage. Le monde est pour lui un pilori vivant où le public le crucifie à toute heure. Il n'est pas même jusqu'au voleur qui n'ait honte de cet homme et se trouve aussi le droit d'avoir pour lui des paroles de malédiction et de haine. N'est-ce pas le comble de l'abjection ? Aussi, que de douleur, que de honte, que d'angoisse dans la vie de cet homme lorsque, libre de son service, il redevient à son tour citoyen de sa ville. De sa ville, qu'il protège, qu'il veille, qu'il garantit des brigandages et qui cependant le hait de toutes ses haines, de tous ses mépris. Que de larmes amères et brûlantes il doit verser sur son grabat s'il songe à l'opprobre où la misère l'a poussé, à l'infamie dont il a revêtu la livrée et qui, semblable à la tunique de Nessus, souillera sa dernière pensée et son dernier soupir. Heureusement, de semblables retours sur lui-même sont fort peu dans ses mœurs. Le début de ce texte est cité par le comité invisible d'ailleurs dans l'insurrection qui vient Jean-Christophe Angot. Donc le texte, l'auteur c'est Armand Durantin et on passe le texte à se demander s'il est ironique ou non. Finalement on se dit que quand même, comme c'est le projet encyclopédique d'un portrait des diverses professions des types sociaux parisiens de l'époque, on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on se moque de ce policier. Mais la dernière phrase semble trancher, je la répète, heureusement de semblables retours sur lui-même sont fort peu dans ses mœurs. Heureusement que le policier ne réfléchit pas tant que ça, n'a pas une très grande sensibilité à lui-même, sinon il serait vraiment malheureux. Là, on entend tout le mépris pour ce personnage, non ? Oui, alors qui tient à sa position sociale, hein, on voit, c'est le contact avec le crime, hein, et le fait qu'il se situe dans cet entre-deux entre l'État et la société dont parlait Hélène Le Gay hier, hein, oui. Et le fait aussi qu'il a affaire à des méthodes qui sont parfois peu recommandables, qui le charge d'opprobre. Hein, c'est très étonnant, hein, ce texte où on voit le policier quasiment comme un Christ. Hein, voilà. Alors, cela étant, c'est une question qui est à la fois délicate et intéressante que se demander qui sont les policiers. Qui sont les policiers, que pensent-ils, hein, il est extrêmement intéressant de se rapporter au récit de policiers, par exemple, hein, la manière dont eux-mêmes racontent leur vie, racontent leur activité, avec parfois aussi des tensions au sein de la police, hein, entre différentes compréhensions de leur rôle de policier. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant de se demander aussi comment sont formés les policiers, comment ils sont sélectionnés, hein, par exemple, hein, typiquement les gens des brigades anticriminales. On sélectionne un certain type de profil, hein, des gens qui se considèrent eux-mêmes comme des chasseurs, hein, et donc qui instaurent du coup avec les populations auxquelles ils sont confrontés des rapports de proie à prédateur, qui sont évidemment problématiques et qui sont une composante du coup qui devient structurelle de rapports de détestation entre la population et la police. Mais ça, c'est une question qui est intéressante, qui ensuite évidemment aussi, hein, pose la question humaine. Du débouché de la haine de la haine de la police, hein, et de la légitimité, hein, de cette de la violence éventuellement qu'elle peut engendrer, ouais. Hier, je lisais le texte de Victor Hugo qui, décrivant Javert, dit ceci. Il dit, voilà, il y a deux façons de se positionner pour ceux qui se sentent exclus de la société. Javert est né en prison, je le rappelle. Il y a deux façons de se positionner. Soit c'est de défendre la société, soit de l'attaquer. Javert choisit de la défendre. Et finalement, cette comparaison, cette assimilation du policier au voyou dans la même position qu'ils occupent à l'égard de la société est assez intéressante et font du policier un personnage à part entière, et pas simplement la personne du policier, c'est un personnage quasiment littéraire dans le rôle qu'il occupe. Alors c'est un personnage aussi de la culture populaire, alors dont rend compte ne serait-ce que l'argot, hein, la multiplicité des mots qui sont en général très péjoratifs pour dire ce que c'est qu'un flic, cogne, etc. Bon. Et puis alors qu'on trouve dans la chanson, hein, d'une manière plus ou moins humoristique et plus ou moins violente, hein, mais pour citer toutes les chansons de Brassens où il est question de la manière, hein, dont quand il s'agit de resserrer les cognes, tout le monde se réconcilie, hein, dit la chanson Hécatombe. Mais dans d'autres chansons, de Brassens d'ailleurs aussi, ou d'autres, on trouve, ça fait partie, disons, d'une certaine culture populaire aussi, le statut méprisable, détesté, moqué, ridiculisé, éventuellement du policier. Merci beaucoup Jean-Christophe Angot. Je rappelle que vous êtes maître de conférence de philosophie à l'École Normale Supérieure de Lyon. Criminal, c'est Michael Jackson qui ponctue cette émission sur la police, sur France Culture et sur les chemins de la philosophie, où il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous poursuivez cette semaine votre anti-manuel de philosophie. Alors j'en rappelle l'idée de ce anti-manuel de philosophie. Je vais m'attacher et même m'attaquer à toutes ces petites phrases censées nous aider, nous rendre meilleurs et que l'on met à la sauce philosophique pour leur donner une légitimité, une validité. Comme par exemple, s'aimer soi-même avec Sénèque, savoir dire non avec Schopenhauer ou prendre le temps avec Bergson. Je dis ça au hasard, mais ça pourrait exister. Les sujets ne manquent pas quoi qu'il en soit, mais il y en a pourtant un qui s'est imposé assez rapidement. C'est cette locution latine devenue une sorte de slogan. Alors carpe diem, alors carpe diem, alors carpe diem. Allez à Jakarta Est, on vient de Budapest ou de Gare de l'Est. Alors carpe diem, alors carpe diem, alors carpe diem. Le hasard fait bien les choses. Alors même que je me demandais de quelle injonction pseudo-philosophique j'allais bien pouvoir vous parler, j'ai reçu une nouvelle édition des Odes d'Horace. Poète latin, c'est à lui que l'on doit justement cet adage si galvaudé du carpe diem. Les éditions Rivage l'ont bien compris et ont ainsi intitulé ce recueil de textes d'Horace, non pas Odes, mais carpe diem. Sûrement pour plus de lisibilité et peut-être aussi pour plus de ventes. Livres, chansons, restaurants et même tatouages. L'expression n'a pas seulement inspiré Ronsard, Molière ou Hugo, mais il est devenu une sorte de slogan marketing, une promesse de vente, un credo personnel, un élément de langage. Littéralement, cueille le jour, on en rencontre la version actualisée avec l'injonction de vivre au présent. Mais ça veut dire quoi vivre au présent? Ça veut dire quoi de cueillir le jour? Cette idée m'a toujours interloquée. Est-ce que je ne vis pas déjà et de fait au présent? Et quand je pense au passé, que je me remémore par exemple des souvenirs ou quand je fais des projets, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de déconnecté du présent? Bonjour. Je vous invite à faire une pause de 5 minutes. 5 minutes pour prendre le temps de respirer en pleine conscience. 5 minutes pour être ancré dans l'instant présent. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être ancré dans l'instant présent? Est-ce que ça voudrait dire que, quand j'écris cette chronique par exemple, ou quand je vous la lis, je ne suis pas dans l'instant, je suis déjà projeté au moment où vous l'écouterez, peut-être dans quelques jours? Ou alors, au contraire, est-ce que ça veut dire que je suis encore collé au passé, au moment de la rédiger, en train de me demander si je dois mettre un point ou une virgule, un mot ou autre, etc. Voilà, je suis en train de vivre tout le paradoxe du carpe diem, tout le paradoxe de cette injonction à vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent suppose de s'arracher au cours du temps pour saisir le présent, le considérer, le mettre à distance. Mais est-ce que ce n'est pas le contraire de ce qu'on veut en prenant à tort et à travers carpe diem? Je veux bien me mettre à vivre l'instant présent, mais quand je m'y mets, j'y pense et je ne saisis rien. Je ne fais qu'échouer à saisir quelque chose. C'est le problème et c'est ça qui me fascine ou alors me désespère avec cette histoire de carpe diem, qu'on nous dise de vivre l'instant présent alors qu'on le vit déjà et que se dire qu'on doit le vivre empêche de le vivre, vous voyez? Cueillez sans tarder le bouton de la rose. En latin, on exprime ce sentiment en disant « carpe diem ». Qui en connaît la signification ? Carpe diem, c'est saisir le jour. Bravo, monsieur. Mix. Mix, un autre nom inusité. Saisir le jour, saisir l'occasion. Cueillir lorsque l'occasion se présente. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit cela ? Parce qu'il était pressé. Non ! Ding ! Merci quand même d'avoir participé. Parce que nous sommes de l'engrais pour vers de terre. Il faut que je me rende à l'évidence, le carpe diem fait vendre à défaut de faire vivre. Tapez carpe diem sur Google et vous aurez des adresses de salons d'épilation et des cafés. Cliquez sur l'onglet vidéo, vous tomberez sur cet extrait du film Le Cercle des Poètes Disparus, extrait devenu archi célèbre. Qu'est-ce qui peut bien plaire dans cet appel à cueillir le jour? Qu'est-ce qui est si séduisant? Pourquoi ça nous parle? Alors j'ai trouvé des réponses, peut-être que ça plaît parce que comme on l'entend dans l'extrait, c'est une manière de se rappeler qu'on va mourir et qu'il faut en profiter. Peut-être qu'on s'en veut aussi de ne pas jouir de ce merveilleux trajet en transport en commun, de ce délicieux sandwich avalé en quelques minutes à midi, de ce sublime moment d'attente au supermarché. Ou alors j'ai une autre réponse. Tout simplement, peut-être parce qu'on a un problème avec le temps. Entre les injonctions à prendre son temps et celles à vivre l'instant présent, voir filer le temps semble insupportable. Mon conseil, donc, laissez faire, ne pensez plus au temps, car c'est en y pensant que vous perdrez le vôtre. Merci Géraldine, vous avez un conseil de lecture à nous proposer ? Alors, on peut quand même retourner aux sources du carpe diem en lisant Horace, qui paraît donc dans une nouvelle édition chez Rivage. Votre chronique est à réécouter en prenant son temps sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Avant avec des francs je partais acheter des picorettes. Maintenant avec des euros ce que je demande ce sont des nicorettes. Les rues de Paris sont pleines de scouts, y'a plus de mobilettes. Darwinisme industriel du Minitel à l'internet. Le 118, 118 a remplacé le 12. Et puis la carte de Moreno veut effacer le flou. Le temps passe, il efface ton radio comme 2000. Ton tam-tam, ton bebop, ton tatou, ton thermolactyle. À la télé y'avait la 5 et puis TV6. Au ciné c'était Bébel en boîte Genesis. Le Gore-Tex prend la place du Duffelcoat. Et ce sont des robots qui remplacent les cosmonautes. Le temps passe, y'a plein de philosophes mais plus de philosophie. Fuck la fausse philo, vive la Philadelphie. Parfois je pense au SVP 11-11. À mon vieux je s'immonde, aux hommes volants de follow. Le temps passe, allez à Jacques ta S. Qu'on vienne de Budapest ou de Gare de l'Est. Alors carpe diem, parce qu'il faut du temps pour les gens qui s'aiment. Allez à Jacques ta S. Qu'on vienne de Budapest ou de Gare de l'Est. Alors carpe diem, alors carpe diem, alors carpe diem. Autant d'avant, Herbalife, Tupperware et Hamway. Y'avait des sacs orange à l'euro marché. Du top 7, des chewing-gum baraka, des tricks, des bouteilles consignées. GVO, Préfontaine et Pichier. Marchand de couleurs et dans la rue des rémouleurs. Le temps passe, depuis la gaine 24h. Le rétro était en option sur les voitures. Et l'hiver les gens jetaient des seaux d'eau sur les serrures. Et l'on revienne, Pierre Juquin, Anice le Porsche, Desmond Tutu, Françoise Lostre et l'agence DAS, Henry Kissinger, Benito Craxi. 6 septembre en quête de démocratie. Anne-Marie Besson pour une minute pour les femmes. Jacoule croquant chéri Bibi, capitaine flamme. Le temps passe, les pyramides mangent 10. Pendry Vox, cassette et vinyle, compact 10. Allez à Jacques ta S. Qu'on vienne de Budapest ou de Gare de l'Est. Alors carpe diem, parce qu'il faut du temps pour les gens qui s'aiment. Allez à Jacques ta S. Qu'on vienne de Budapest ou de Gare de l'Est. Alors carpe diem, alors carpe diem, alors carpe diem. Je suis dans un futur pourchassé par la synarchie. Une élite de 12 cadres qui gère le monde et vit en autarcie. Ils ont capté nos droits et installé la fausse démocratie. M'accuse d'apostasie, les milices complices, elles parlent d'anarchie. Mais je suis porté le croyant, la croix, l'étoile et le croissant. Le sang croissant, mais l'agitation croissant. Ils récupèrent la foi, mettent des 4 par 3 du Christ. Hommes de faux évangélistes pour que j'adore l'antéchrist. Il y a des satellites, je cours si on mal pague. C'est stale à Gougoulag et des faux aveux dans les mags. J'entre dans une classe et je me place près du radiateur. La coupe arrive en force et je suis face à des gladiateurs. Tu vois le calico, illico, j'entends les hélicos. Je tente pas de me débattre, ils ont des tas de balances illicos. On analyse ma rêve, une erreur sur la personne. Je monte sur le pupitre et puis je crie freedom. Alors carpe diem, alors carpe diem, alors carpe diem. Allez à Jacques ta S. Qu'on vienne de Budapest ou de Gare de l'Est. Alors carpe diem, parce qu'il faut du temps pour les gens qui s'aiment. Allez à Jacques ta S. Qu'on vienne de Budapest ou de Gare de l'Est. Alors carpe diem, alors carpe diem, alors carpe diem. Carpe diem, c'est MC Solar qui le dit sur France Culture. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'avait aidé à préparer cette émission. Ariane Mintz, Antoine Ravon, Pierre Brossard, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard à la réalisation. On se retrouve non pas demain, car demain c'est Noël, mais jeudi pour la suite de cette série autour de la police. Jeudi, nous parlerons du roman policier, métaphysique du roman policier, à partir de l'ouvrage éponyme de Siegfried Krakauer, et ce sera la philosophe Michèle Cohen-Halimi qui sera notre compagnie. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À jeudi, 10h sur France Culture, et d'ici là, joyeux Noël !